Chapitre 19e. Cette perpétuelle relation de l'esprit forma entre Georges et Pulcheri une sympathie sans bornes. Le mot d'amour, si magique qu'il soit, demeure impuissant à exprimer cette union mystérieuse dont la nature ne nous offre pas d'exemple. Les jours où l'un était triste, l'autre l'était également. Quand souffrait Georges, Pulcheri souffrait. S'il arrivait à Fritz de rougir, un léger nuage rose se formait en même temps sur les joues de son ami. Dans les moments de gaieté, un même sourire glissait sur leurs lèvres. Au piano, le soir, l'élève ne pouvait chanter qu'avec son maître. Ils exécutaient ensemble des duos ravissants. Leurs voix se cherchaient avec un accord parfait et suivaient les mêmes mouvements comme deux colombes au vol dans un ciel complètement calme. La vue de la nature les affectait l'un et l'autre d'émotions semblables. Ils avaient tous les deux un pareil regard pour les choses de la terre et pour celles du ciel. Quand l'un se sentait attendri religieusement, l'autre priait. C'était le même être pensant et aimant deux fois, dans une seule pensée et dans un seul amour. L'affection qui les unissait l'un à l'autre était presque de l'égoïsme. Georges et Pulcheri n'avaient même point besoin de la parole pour se communiquer leurs pensées. Une sorte de silence éloquent et énergique présidait à leurs entretiens. Ce que l'un disait, l'autre l'avait deviné déjà. Ils passaient des heures entières à ces mystiques colloques, durant lesquels leurs cœurs unis à l'un à l'autre entraient en société avec la grande famille de la création. Les mêmes instincts les attiraient vers les hommes ou les choses et les en éloignaient. Les personnes qui déplaisaient à Fritz pouvaient être bien sûr d'être désagréables à Pulcheri et réciproquement. Ils n'avaient qu'un cœur et une âme à deux. Pulcheri trouvait dans Georges une sorte d'idéal d'elle-même. Elle se souvenait, pour ainsi dire, en lui de tout ce qu'elle devait savoir. Ils avaient en art, comme en tout le reste, des goûts analogues. L'un et l'autre étaient attirés à la fois vers des lectures semblables, et il leur arrivait souvent, sans se les être communiqués d'avance, d'exprimer en vers les mêmes idées, presque dans les mêmes mots. Georges, voulant exprimer cette parfaite conformité, nommait Pulcheri sa sœur, et celle-ci l'appelait son frère.